7h-9h, le son qui vous va bien. Radio, c'est Kimbo. tous les replays sur le www.fréquenceclub.com. Thank you. Fréquence Club sur RPL, c'est la base, mec. RPL de 5h à 17h sur le 99FM et 24h sur 24 sur le www.rpl99fm.com. RPL, l'autre radio. Thank you. que la première heure de Fréquence Club vous aura été agréable sur les ondes du 99 FM sur votre radio RPL. Restez calés, on va enchaîner avec le Selectrax. Séquence Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. RPL, dans toute la métropole lilloise. RPL. Fréquence Club, 7h09.